l'ancienne Kolchak c'était une famille. En période de guerre ça descendait à 20 000. Maintenant les gens ils ont changé. Limité de serre la main comme un étranger. Je me rappelle à l'ancienne Kolchak c'était une famille. En période de guerre ça descendait à 20 000. Maintenant les gens ils ont changé. Limité de serre la main comme un étranger. L'histoire se répète avec un tel charme. J'dis pas que l'histoire est belle avec une telle arme. J'représente ma couleur et Ben Man. Je le fais sans comédie, sans les strass et les paillettes. J'ai plongé dans le bain, pourtant je pensais que j'avais paillette au pays des droits de l'homme. Combien sont innocents mais coupables? La stigmatisation est tout barre. J'ai vu des mecs soudés, s'aimer et se bouder. Et quelques années après, j'ai vu du sang couler. Hey champion, j'ai vu des gens m'entraîner avec des gens qui ont niqué leur vie à cause des poires. Sans compter ceux qui sont remontés contre leur volonté. Parce que dans tout ça y'a eu des morts, t'as vu, c'est pas facile ici bas. Et quand la vie te frappe comme son fils, c'est ni ton frère ni ton pote qui sépare. Je laisse plus rien, c'est pas. Les gars, faut pas qu'on s'égare. On sait ce qu'ils pensent de nous, mais on les laisse croire qu'on sait pas. Je me rappelle à l'ancienne Kolchak, c'était une famille. En période de guerre, ça descendait à 20 000. Maintenant les gens, ils ont changé. Limité de serre la main comme un étranger. Je me rappelle à l'ancienne Kolchak, c'était une famille. En période de guerre, ça descendait à 20 000. Maintenant les gens, ils ont changé. Limite, serre la main comme un étranger. On était plein, on était ensemble, on s'aimait comme des frères. Avec le temps, le shit et l'argent, on est devenu fiers. À quoi ça sert de faire de la rue sa deuxième mère? Traîner sans arrêt dedans et puis un jour finir par emmerder. Je me rappelle l'époque où je taffais les biceps, les corps à corps à la cité rouge, les voisins qu'appellent le 17. Tu sais, cette époque c'est celle où on traînait à 15, la turbulence à l'état pur. C'était l'époque des premières guinces, très déter, mais mineurs. La rue dure, c'est ses dealers. Y'en a qui suent, y'en a qui pleurent, y'en a qui tuent, y'en a qui meurent. On était plein, on était ensemble. Aujourd'hui on veut être blanc, on a des penchants solitaires et méchants. Et moi ce que je voulais c'était manger à ma faim, sans que le daron se casse le dos et finisse en mandat de dépôt. Donc sur la tolérance mon gars j'ai mis un frein. Moi je suis parti de loin et j'ai pris les choses en main. Renoir, je me rappelle à l'ancienne quand Kolchak c'était une famille. En période de guerre ça descendait à 20 000. Maintenant les gens ils ont changé. Limité de serre la main comme un étranger. Je me rappelle à l'ancienne Kolchak c'était une famille. En période de guerre ça descendait à 20 000. Maintenant les gens ils ont changé. Limité de serre la main comme un étranger.